ne priez pas pour lui. J'ai fait un pacte avec la prostitution, afin de semer le désordre dans les familles. Je me rappelle la nuit qui précéda cette dangereuse liaison. Je vis devant moi un tombeau. Une vaste lumière couleur de sang, à l'aspect de laquelle mes mâchoires claquèrent et mes bras tombèrent inertes, se répandit dans les airs jusqu'à l'horizon. Pas pour lui. Beaucoup d'hommes n'auraient peut-être pas eu autant de courage que moi. Pendant ce temps, une belle femme nue vint se coucher à mes pieds. Je lui tendis la main avec laquelle le fratricide égorge sa sœur. Prends une pierre et tue-la. Prends une pierre et tue-la. Prends garde à toi, la plus faible. Parce que je suis le plus fort. Celle-ci s'appelle prostitution. Les larmes dans les yeux, la rage dans le cœur, je sentis naître en moi une force inconnue. Hélas, hélas, s'écria la belle femme, ce n'est que le soupir éclat de la prostitution, uni avec les gémissements gras de Montévidéen. Enfant, c'est moi qui vous le dis. Alors, la miséricorde. Il n'y a que toi, et les monstres hideux qui grouillent dans ces noires abîmes qui ne me méprisent pas. Tu es bon. Adieu, toi qui m'as aimé. Adieu, encore une fois, adieu. Je t'aimerai toujours. Servir mon génie à peindre les délices de la cruauté.